Le hibou ulule. La tortue est sur le mur de la rue. Le livre rouge est sur le lit. La soupe est sur le menu.